Arrivé à Jérusalem, Jésus entra dans le temple avec beaucoup de gens des Juifs et des scribes. Les Juifs se mirent à converser entre eux, s'étonnant de la structure du temple, de sa majesté et sa solidité, et dirent à Jésus, « Ô maître, ne vois-tu pas la grandeur et la gloire des ornements de ce temple ? Oui, il est beau comme vous dites. Mais si vous voulez le détruire, je le relèverai moi-même au troisième jour. » À cause de ces paroles, les gens te regardent comme fou, lui dirent les Juifs. Si vous regardez mes paroles comme folie, pourrez-vous mépriser les prodiges que je ferai ? Nous méprisons ta parole car tu parles de ce qui n'est pas permis, et tu te fais toi-même Dieu. Nous verrons si tu fais un prodige, lui dirent-ils. Ne croyez pas en moi si je fais ce qui ne ressemble pas aux actes de mon Père. Se tournant vers le temple, il vit l'image de la vision d'Ézéchiel, d'une roue qui porte quatre animaux, l'un avec une face d'humain, l'autre avec une face de lion, une face de bœuf, et une face d'aigle. Qu'est cette image ? Leur dit Jésus. C'est l'image de la vision du prophète Ézéchiel, dirent-ils. Cette image n'est-elle pas faite de diverses figures ? Oui, nous savons cela, dirent-ils. Si moi-même, j'ordonne à ces images d'animaux de devenir des esprits, ne croirez-vous pas que je suis le Fils de l'homme qui a pouvoir sur tout ce qu'il a fait, et qu'il n'y a de pouvoir que la sienne ? Nous savons maintenant que ton esprit divague, et que ta raison te manque, fils de Joseph, dirent les Juifs. Si je ne fais pas comme je vous dis, si je ne rends pas ces images vivantes, vous saurez que je suis fils du charpentier Joseph comme vous dites. Fais pour que nous voyions, lui dirent-ils. Si tu fais cela, nous croirons que tu es le fils du Seigneur, le Messie que les nations attendent pour sauver le monde entier. Jésus se tourna vers ces images et dit, « À vos images antiques, je vous dis, ayez un esprit en vous, qu'une chair vienne pour vous. Descendez de votre place sur le sol où nous nous trouvons nous-mêmes, et allez tous vers les tombeaux où se trouvent Abraham, Isaac, Jacob, vers les enfants des pères des premiers jours, de tous ceux qui sont enterrés avec eux, et dites-leur, le Fils du Seigneur éternel, le Créateur, vous ordonne tous de venir dans le temple, avec l'un de vos fils, qui connaissait mes mystères et l'histoire de ma venue dans le monde, pour informer vos fils les Juifs de tout ce que je suis, d'où je suis venu, et où je vais. » Dès que Jésus dit ces paroles à ces images, il survint sur la terre de Jérusalem de grandes ténèbres, un tremblement de terre, de violents éclairs, et un vent d'ouragan, au point que tous les gens de Jérusalem tombèrent face à terre. Puis les ténèbres s'éloignèrent. Les gens virent ces images devenir des animaux, qui se déplacèrent jusqu'au sol. Les faces d'hommes, de lions, de bœufs, et d'aigles, partirent avec rapidité au lieu des tombeaux des pères, Abraham, Isaac, Jacob, et des douze enfants des pères. L'aigle partit vers le tombeau du prophète Moshé. Ils les appelèrent et les amenèrent au temple, comme Jésus avait ordonné, arrivant aussi vite qu'un clin d'œil. Tous ceux des enfants d'Israël qui se trouvaient là regardèrent, et virent Abraham avec sa blanche chevelure. Isaac apparut sous le même aspect qu'avant sa mort. Jacob avec la marque que l'ange du Seigneur lui fit lorsqu'il aborda Haran. Ils virent aussi Moshé, le visage illuminé, et le reconnurent au balbutiement de sa langue. Abraham se mit à parler et dit, « Ô assemblée des Juifs, je suis votre père. Voici mes deux fils, Isaac et Jacob. Voici aussi le prophète Moshé, qui est plus grand que mes fils. Voici, nous sommes arrivés ensemble, avec les pères que vous voyez avec nous, par le pouvoir de cet homme dont vous niez la divinité. Mes enfants, écoutez-le et obéissez à sa parole. » Moshé s'avança pour parler et leur dit, « Ô mes frères, enfants d'Israël, je suis Moshé, qui a fait sortir vos pères d'Égypte d'une main forte et à bras étendus. C'est moi qui ai châtié l'Égypte par 10 plaies, c'est moi qui ai divisé la mer Rouge pour faire sortir vos pères, et engloutir Pharaon et ses troupes en elle. tous les prodiges que j'ai faits. J'ai agi par le pouvoir de cet homme qui se tient debout au milieu de vous. » Moshe étendit ses mains vers Jésus et dit, « C'est lui qui m'a parlé dans le buisson. C'est lui qui a fait descendre pour vous la manne dans le désert. C'est lui qui a fait sortir pour vous l'eau du rocher dur. C'est lui qui a illuminé les ténèbres pour vous, par la colonne de feu, tandis que vous alliez. C'est lui qui, au sommet de la montagne, m'a dit son nom, Aya, Haché, Aya. Qui signifie, celui qui existait existera. C'est Adonai Sabaoth, Seigneur des armées. C'est lui dont j'ai moi-même prophétisé la venue en vous disant que le Seigneur fera surgir parmi vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui m'a fait entrer dans la caverne au sommet de la montagne. C'est lui qui a autrefois façonné de ses mains notre père Adam pour le faire à son image et sa semblance. Il est venu dans le monde sauver Adam de la peine du péché et de l'égarement. Écoutez-le, enfant d'Israël, et obéissez-lui. Car toutes les âmes parmi le peuple qui ne l'écouteront pas périront. » Moshe termina de parler aux enfants d'Israël et le visage de Jésus s'illumina. Sa lumière s'intensifia et devint comme le soleil. Les enfants d'Israël qui le virent tombèrent sur leur face comme des cadavres. Il ne leur était pas possible de répondre un mot. La plupart crurent en lui. Jésus les fit se relever et fortifia leur cœur. « Contesterez-vous après que ces pères soient devenus pour moi des témoins ? Ne vous vantez pas d'Abraham votre père, car de ces pierres, j'ai pouvoir de faire sortir des fils à Abraham. » Les pères Abraham, Isaac, Jacob, avec Moshe et tous les anciens qui étaient ressuscités de leur tombeau, appelèrent les hommes à la foi du Messie. Ils annoncèrent Jésus par son nom pendant 3 jours, à Jérusalem. Les Juifs qui ne les croyaient pas et ne les recevaient pas comme étant leur père, leur jetèrent des pierres en disant « Sorciers de la compagnie de Jésus !» Les sorciers égyptiens, Jannès et Jambrès, faisaient de plus grands prodiges en Égypte que ce fils de charpentier. « Si vraiment je suis sorcier, dit Jésus, ces pères purs sont-ils aussi sorciers ? En vérité je vous dis, je ferai sortir de vous, et contre vous, des juges, qui vous feront opposition au jour du jugement et de la résurrection, lorsque je viendrai dans ma gloire, et dans la gloire des armées de mes anges purs. » Quand ils eurent entendu les paroles de Jésus, ils lui jetèrent de nouveau des pierres. Une nuée emporta Jésus jusqu'au fleuve du Jourdain, où les pères vinrent vers lui, et lui dirent, « Ô Seigneur, que nous ordonnes-tu maintenant que nous avons vu ta gloire ? Retournez en paix là où vous avez ressuscité. » Et il revint à la place, en rendant grâce au Seigneur.